peu les filles. Allez, vous arrêtez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. C'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny 2 à Z, la 554e émission. Et ce soir, je vous propose une émission en live. La semaine dernière, nous fêtions le 30e anniversaire de l'album Rough Town. Et là, aujourd'hui, on va passer au live, oui, oui, oui. Et avec un thème, les versions originales. Du moins, Johnny va interpréter les versions adaptées. Adapter deux versions originales tout pendant deux heures avec Johnny Hallyday et ses adaptations de versions d'adaptations anglaises, de chansons anglaises qu'on va découvrir tout au long de ces deux heures. Et il y a du il en a chanté beaucoup, Johnny, hein. Je crois qu'il y a près de 400 chansons d'adaptations de versions originales, mais on va en trouver ce soir une bonne trentaine, mais parmi les plus célèbres, voilà ce qu'on va retrouver. Bon, allez, il est l'heure d'attaquer l'émission car nous sommes un petit peu à la bourre ce soir. Ouais, c'est ça. Et on va commencer tout de suite par un titre de Elvis Presley. Johnny aimait reprendre du Elvis Presley, aimait reprendre du Chuck Berry et reprendre du Eddie Cochran. Et là, on va commencer par une reprise donc de Elvis Presley à God Stug, qui devenait en 1960 quand il était chez Vogue, Je suis mordu. Cet extrait de concert est extrait donc de l'Alhambra du 17 septembre 1960. Bonne soirée à toutes et à tous. Voici Johnny. Bienvenue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort. Voyez le résultat. Woo! Yeah, j'suis mordu par un petit oiseau bleu. Ça me travaille autant que ça peut. Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort. Voyez le résultat, je suis fichu. J'suis mordu. Elle a l'air de ne pas se toucher. Mais croyez-moi, faut s'en méfier. Sinon vous ferez comme moi, vous serez les bras en croix. Voyez le résultat, je suis fichu. J'suis mordu. Elle a des yeux étranges. Vous croyez voir un étrange, mais ne vous y fiez pas, car elle a dans le fond des yeux un regard qui peut être monstrueux. J'suis mordu pour un petit oiseau bleu. Tellement mordu que j'en deviens gâteux. Je ne dors plus de la nuit, j'ai droit à vous griller tout ça sans résultat. Je suis fichu. J'suis mordu. Étrange, vous voyez voir un petit ange, mais ne vous oubliez pas, car elle a dans le fond des yeux un regard qui peut être monstrueux. Je suis mordu pour un petit oiseau bleu, tellement mordu que j'en deviens gâteux. Je ne dors plus de la nuit, je suis qui t'aura vous griller tout ça sans résultat. Je suis fichu. Je suis mordu. Je suis mordu. Je suis mordu. Je suis mordu. Voilà. En 1962, Johnny Hallyday a interprété Elle est terrible, Something Else d'Eddie Cochran. Regarde un peu, celle qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle la guise mes amis, même les plus petits. Pourtant pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Cette voiture, on la dirait vraiment faite pour moi. Et ils doivent faire bon rouler avec ça. Et la charge que je pense au prix de l'essence, je perds subitement l'envie de me la payer. Non mais tu sais, ça ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, elle est terrible. Attends un peu, là que je travaille. Quand je pourrai réveillé content. J'inviterai la belle fille à monter dedans. La capote baissée sans trop nous presser. À nous descendons les Champs-Élysées. Et les copains nous voyant passer diront me disaient: y'a pas à dire ce gars-là, ah, il est terrible. C'est beau de rouler en rêvant. Voilà que j'arrête ma vieille citron. Et j'ai bonne mine devant la belle maison. De celle que j'aime, les poches à plat. Pourtant si elle m'embrasse, c'est rien qu'une fois. Mais je dirai certainement en part de moi: y'a pas à dire ce gars-là, ouah, il est terrible. En 2015, Johnny Hallyday a interprété un titre du groupe. Voilà que je m'en souviens plus. Ça c'est bien de préparer ces émissions. Ain't it hard to stumble. Je ne sais plus de quel groupe, je vous dirai ça. Je vous redirai ça. Il a réinterprété en 1972 ce titre, extrait de l'album Rock Folk and Rock, Country Folk Rock. Et le revoici, ce titre qui réapparaît lors de la tournée Restez Vivant en 2015. Hey man, dans tes amours. Ne partis jamais de ton chemin. Ne pensez que tu vas trop loin. Arrête un peu et regarde un peu. Tu verras combien ils sont malheureux. Ça t'est bien égal. Tu ne fais que ce que tu veux. Mais comment peux-tu vivre avec tout ça? C'est facile, lorsqu'on sait que vous dans les bras. Et toi, on sait que tu n'en manques pas. Ouais. Mais c'est facile, lorsqu'on sait que vous dans les bras. Facile, un peu, peu, peu. c'est facile. How to Stumble est du groupe How the Good. À présent, on va retrouver Johnny Hallyday au Parc des Princes en 1993 avec un titre d'une reprise du groupe Escape Club. Oui, j'ai fait ma leçon, j'ai pris ma leçon là. Le titre original s'appelle I'll Be There et ça devient 93, Je Serai Là. Si tu es là, toujours là. Moi pour vous, je serai toujours là. Ouais, je serai là. Je m'ai né le 20 juin 1993 au Parc des Princes. Nous partons en 1965, nous allons direction l'Olympia et avec le Musicorama poursuivre Johnny Hallyday et ce titre The Animals, The House of the Rising Sun qui devient le pénitencier. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a donné sa vie mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Oui, je t'ai trop fait avec un titre des Beatles, Got to Get You Into My Life, qui devient Je veux te graver dans ma vie. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter.

émission live, je vous fais découvrir, ou du moins je vous ferai écouter, des adaptations de Johnny Hallyday pour ses concerts, pour ses albums, dont cette chanson de Bob Seger, Brave Strangers. Voici deux étrangers sur RIG dans l'émission Johnny de la Z. À chacun notre tour. Et après tant d'amour, et après tant de jours, il y a

passons après le Stade de France au Palais des Sports en 1971 et retrouver le titre de Billy Joe Royal qui a été rentement aussi repris par le groupe Deep Purple. Mais l'adaptation de Johnny Hallyday se devient mal sur le titre de Hush. Je criais, moi je l'ai rejeté. J'en ai peur, peur de manquer. Tu les tris comme un plaisir. Et ça fait mal, je peux vous le dire. Un amour qui me fait mettre mal, mal, mal. On paye du jour, mais ça fait mettre mal, mal, mal. Et je sens tout, mais j'ai mal. Vous-même, c'est pas 1971, 1969. Nous voici à présent au Zénith en 1985. Le 2 février 85 exactement, avec ce titre, cette adaptation de Kenny Rogers. J'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça. J'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça. En des temps où de temps en temps t'étais là. Et entre nos déchirures, je regardais mes blessures. Et au moins je savais que t'étais pas bien loin. Oh, j'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça. Oh, j'aimerais qu'on puisse repartir à la guerre, même si je sais que chaque fois je la perds. Et quand tu me désertais, la solitude me tuait, plus sûrement que les jouets idiots de la haine. Oh, j'aimerais pouvoir y souffrir comme hier. J'aimerais t'entendre me dire que tu ne m'aimes plus, que tout ça va finir, que c'est foutu. J'aimerais tant te voir partir comme tu l'as si souvent fait. Et au moins mes yeux te verraient en aller. Oh, oh, oh, j'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça. Comme du temps où de temps en temps t'étais là. t'étais pas bien loin. Oh, j'aimerais pouvoir encore souffrir demain. Si seulement je pouvais encore souffrir demain. Bien maintenant, j'aimerais vous emmener avec moi dans un endroit que j'aime. Un endroit que vous connaissez bien à travers moi, à travers mon ami Guy Michel. À Nashville. Mais ça sera pas 1985, ça sera en 2013, au Théâtre de Paris. Nashville Blues avec le titre des Everly Brothers. Je veux t'emmener. ensuite pour le Palais des Sports 1971 et ce titre des Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, qui devient en 1971 sous la plume de Philip Labro, fils de personne. Johnny Hallyday en 1980, 10 ans plus tard, avec son groupe Nightbird The Band, et avec ce titre aussi de Tom Jones, Loving Arms, qui devient en 1974, J'ai pleuré sur ma guitare. Repris notamment par Elvis Presley et Kris Kristofferson. Bobby Gray, Bobby Gray, etc., etc. Si tu reviens un jour, marcher sur les traces de notre amour, tu ne trouveras plus ton chemin. Un jour ici, tu reviens, tu verras la maison. Comme moi, elle a son cœur à l'abandon. Et ses portes ouvertes à tous les vents. Me cherche pas plus longtemps. Et j'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il

good to me. Oh yeah. Oh, I got a woman. Well, it's time. Good to me. To me. Oh yeah. She's all right. Well, she's all right. Well, she's all right. Well, she's all right. Well, I got a woman, yeah. Well, I feel all right. Well, I feel all right. Feel all right. Well, I feel all right. Well, I feel all right. Just because I got a woman, way out of town, and she's good to me, hey. 1976, on passe directement à... Oui, ah ben oui, bravo. Bravo. On revient en arrière, on revient en arrière. Oui, oui, non, on revient en arrière, j'ai dit, on revient en arrière. Voilà. Non, on va faire comme ça. 1976, on passe à 2009, et le titre, La Terre promise de Promised Land, un titre de Chuck Berry. La terre brûle sous mes pieds, je ne sais pas m'arrêter. Je vais où mes chansons m'entraînent, je ne fais plus de place. Jugez-moi là où on m'aimait, d'ailleurs je suis un étranger. De train en train, de ville en ville, je finirai bien par rouler. Notre ville, un autre hôtel et notre fille à aimer. Je ne me souviens plus d'elle et son nom je l'ai oublié. Oh mais je cours toujours après l'amour mais la vie va me rattraper. La terre promise n'est pas toujours là où l'on peut bien la trouver. Unplug. Johnny aimait faire des parties Unplug depuis 1995. Et le voici en 2014 à Toronto pour interpréter Tes tendres années. Ce titre de George Jones, Tender Years. Une chanson que j'ai enregistrée dans les années 60 à Nashville, Tennessee. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai. Et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin, quand il partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années.

Vous êtes formidable, vraiment. Avec ce titre, Cut the Cross Shorty, dédié au crâne. Cours plus vite, Charlie. Cette fois-ci, ce sera lors du Flashback Tour au Palais des Sports 2006. Le paysan nommé Charlie avait dit à son voisin Jean: nous aimons, je crois, la même fille depuis déjà longtemps. Faisons alors une course, oui, à travers tout le pays. Seul de nous deux qui gagnera épousera Lucie. Oui, cours plus vite, Charlie, et tu gagneras. Ne te retourne pas. Cours plus vite, Charlie, et tu gagneras. Oui, la fille sera pour toi. J'en ai une voiture qui attire les regards. Son argent achèterait l'amour. Il avait déjà ouvert, oui, les portes de son palais pour recevoir les jolis yeux verts de mademoiselle l'océan. Toi, bébé Charlie, tu gagneras. Ne te retourne pas. Toi, bébé Charlie, tu gagneras. La fille sera pour toi. Oui, pour toi, oui. Hey, Charlie. Charlie n'était pas si riche que Jean. Il n'avait jamais de beaux habits, il courait les pieds nus. Il connaissait le pays, les forêts et les cours d'eau. Et le vent qui était son allée le soufflait dans le dos. Recours plus vite, Charlie, et tu gagneras. Ne te retourne pas. Recours plus vite, Charlie, et tu gagneras. La fille sera pour toi. Lors de ce Bon Rocker Tour et toujours dans la période Unplug, voici ce titre de Tim Hardin, If I Were a Carpenter, si j'étais un charpentier. Je vous rappelle rien, toi. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser? Porter notre enfant, ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi. Je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Prends l'amour que je te donne, tu dois être forte. Notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, mes mains seraient sèches et dures, et les tiennes si fragiles. Les hommes et leur colère viendraient pour tuer, oui, nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. tu étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Les années 60 et particulièrement en 1967 à l'Olympia pour écouter ce titre, cette reprise du titre de Jimi Hendrix, Hey Joe. Bah ça devient toujours Hey Joe. Hey Joe, bah, je l'ai dit, ouais, Hey Joe. Fais pas comme ça, dis, y a pas le feu chez toi. Hey Joe, allez, viens dire bonjour, t'en mourras pas. Je rentre à l'heure qui me plaît, j'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais, rien qu'un lit froid, sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, hein, mais de quoi? Le Vietnam, la bombe, tu t'en fous de tout ça. Comme tu dis, la vie, c'est le métro à 6 heures et chacun pour soi. Et pour toi, Joe, il y a toujours une place, mais pas pour moi, pour toi. Hey, Joe, pourquoi t'as de la chance? Pour arriver en 1979 et retrouver le Pavillon de Paris, Porte de Pantin et le fameux Gabriel, qui était extrait, qui est adapté du titre de Tony Cole, The King is Dead, de 1972. We'll be right back. pour parler d'une fille. J'aimerais vous parler d'une fille que vous connaissez bien. Cette fille, je vous l'ai présentée en 1976. C'était au Palais des Sports de Paris. Puis à force d'être sur les routes, cette fille un jour, elle est partie. Aujourd'hui, en 1979, de retour à Paris, au pavillon de Paris, avec vous, cette fille, elle est revenue. Revenue, oui. Vous voyez qui je veux dire? Non, mais dites-moi, vous voyez qui je veux dire? Vraiment? Vous êtes sûr? Alors dites-moi son nom. Comment? J'entends rien du tout. On ne dirait jamais que vous êtes timide ce soir. Je ne vous entends pas. Tu brûles mon esprit, ton amour est hors de ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus me souffler sous tes pieds. Dix ans de chaîne sans faire le jour, c'était ma peine pour faire de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut m'en faire. Dix ans de chaîne sans faire le jour, c'était ma peine pour faire de l'amour. Je refusais. Dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, j'ai la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Je veux t'approcher, mais tu tournes le tour, tu t'enfuis. Dix ans de chaîne sans faire le jour, c'était ma peine face à de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut m'en place. Dix ans de chaîne sans faire le jour, c'était ma peine face à de l'amour. Ouais, j'ai refusé. Tu as l'air d'un ange, tu marches comme un ange, tu parles comme un ange, mais moi je sais, tu n'as rien de tout ça. Oh non, cette fois, tu n'as rien de tout ça. Oh non, dans tes allures d'ange, ta façon de marcher. Combien tu me mentais, tu n'es pas ce que je croyais. Tu as l'air d'un ange.

moi je vais te secouer. Oui, tu vas comprendre, moi je vais te secouer. Fini pour toi l'amour en Calia. J'ai les jambes cuir dessous tes fourrures chic. Tu vas voir comme je vais casser la baraque. Et t'aimer contre un mur de briques. Pour assurer, moi je vais te secouer. Oui, tu vas comprendre, moi je vais te secouer. sommes à l'Olympia en l'an 2000 avec ce titre des frères Beckmeyer, Beckmeyer Brothers, et ce titre Rock and Roll Dancing. Autrement dit, qu'est-ce que tu croyais? Johnny Hallyday l'a chanté en 1979. Érigé la radio de Johnny Hallyday, l'émission Johnny de la Z. Cherche déjà une fille, mais tu sais, non, ça ne marche pas. Elle préfère ce qui brille. Ton heure, oui, c'était il y a longtemps. Ça remue des souvenirs. Simplement. Non, c'est vrai. Vous êtes tout simplement formidable. À présent, on retrouve Johnny Hallyday au Parc des Princes en 2003 avec un titre de Chuck Berry, Web Carole. De cette émission J'ai de la Z spéciale adaptation live. Encore deux titres réalités dans celui-ci au Carole. J'en suis avec Je suis victime de l'amour et on verra par le bon temps du rock'n'roll. Oh, Carole, ne me regarde pas comme ça. Que ça, c'est assez là, c'est pour te dire. toute la joie s'est envolée. C'est hey jeter l'arbre, puis tout ça avec moi, viens danser. Et quand tu sauras que tu t'es consolé dans mes bras, ce jour-là, peut-être il reviendra vers toi. Tout le monde veut vous entendre taper dans vos mains. pour terminer cette émission avec les adaptations de Johnny Hallyday en live. Adaptation anglo-saxonne, adaptée en français, bien sûr, en live. On a découvert plusieurs concerts. On a couvert pratiquement tous les concerts de Johnny Hallyday. Et là, on termine avec le Resto Vivant Tour. Johnny Hallyday à Bruxelles en 2016. Et ce titre, Le Monde en Rock'n'Roll, adaptation de Bob Seger, All Time Rock'n'Roll. Yeah. émission Johnny de A à Z, spécial live avec les adaptations anglo-saxonnes adaptées pour des lives ou à la rigueur des albums studio. Je vous remercie tous et tous d'avoir participé à cette émission et surtout merci pour votre présence et surtout votre écoute. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle aventure Johnny Hallyday. Bonne nuit à toutes et à tous, à bientôt, ciao ciao.